du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus dans votre playlist Rock et New Wave comme tous les mardis soirs sur Eurosmose Radio, vous êtes bien dans l'heure du loup. Et ce soir on va faire honneur à cette citation que vous connaissez peut-être, le punk n'est pas mort, il bande encore. Et on va en parler un petit peu avec la playlist, entre autres styles musicaux, avec la playlist qu'ont préparé mes invités ce soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup et ça commence comme ça. Destroy, fais l'anarchie dans ton cul à l'instant. C'était Johnny Rotten d'ailleurs qui fêtait son anniversaire il y a pas longtemps, qui hurlait à l'instant dans ce titre emblématique des Sex Pistols, Anarchy in the UK. UK, c'est le verlan pour cul, vous l'aurez compris bien entendu. Si vous speakez anglais aussi bien que moi. Et donc, à l'instant, c'était un classique de la scène punk pour ouvrir cette émission où il va être question de punk, entre autres choses bien entendu, avec les invités que j'ai ce soir dans le studio. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors, on va faire un petit tour de table. Il y a Damien. Bonsoir. Voilà, donc tu es artiste à tes heures perdues et tu es aussi mélomane puisque tu nous as ramené quelques morceaux ce soir. À côté de toi, il y a Ben. Ouais, salut. Voilà, qui lui aussi a tendance à abîmer un petit peu l'étoile qui se présente à lui à l'occasion et qui en a même fait une galerie dont on va parler ce soir justement. Et avec Hubert. Enfin, bonsoir. Voilà. Et qui organise justement dans la dite galerie où vous faites étalage de votre talent de barbare en graffitant un petit peu à droite, à gauche. Voilà. Je vous tacle dès le début de l'émission, comme ça c'est fait et on va pouvoir y aller. Et donc tu organises des événements justement dans cette galerie Turbo Format, pour ne pas la nommer, boulevard Saint-Ruf, grâce à laquelle, événement grâce auquel j'ai pu découvrir l'endroit pour ma part il y a quelques jours. On va parler de tout ça. Bah, les Sex Pistols, d'ailleurs, hein, c'est des gens, des punks qui peuvent rien faire comme tout le monde, puisqu'ils hurlaient dans le morceau qu'on écoutait, mais vous non plus, vous ne pouvez rien faire comme tout le monde, puisque vous avez créé cet endroit, le Turbo Format, il y a un an, et un endroit qui a un postulat un petit peu particulier. En fait, Ben, par exemple. Du coup, c'est un atelier de création, donc il y a Damien qui fait de la peinture, et moi qui fais de la sérigraphie et de l'illustration. Et du coup, comme on avait accès à deux belles vitrines sur la rue, on s'est dit qu'il fallait en profiter. Et nous, dans notre tête, ça nous trottait depuis quand même pas mal de temps d'avoir un lieu de création et de partage avec les gens. Et on avait déjà commencé à faire ça dans notre ancien atelier où on avait une petite librairie, mais vraiment toute petite. Un ancien atelier qui se trouvait où en fait ? Qui se trouvait à Monteux, on était dans la Pampa, on était perdus. Du coup, c'était cool pour faire des concerts. On a fait concerts sauvages là-bas, donc c'était bien. D'accord. Mais la visibilité était quand même pas très bonne. Et donc du coup, Damien a réussi à trouver le lieu grâce à l'ancien proprio qui avait. Ouais, ça m'a pris 6 mois, quoi. Voilà. Ah, quand même. Oui, j'habite dans le quartier, du coup je passais tous les jours et puis je traquais un peu le local vide. Et je suis tombé sur un local qui appartenait à un ancien tapissier, en fait. Et on s'est mis d'accord, il avait envie que ça soit des petits jeunes qui tiennent la boutique à l'avenir. Et voilà, donc il nous a fait confiance et on a réussi à investir les lieux, voilà. Parce que c'est assez insolite, vous êtes boulevard Saint-Ruf, donc pas très très loin du centre-ville. Donc c'est facile aussi à trouver, mais en ce moment il y a les travaux du tram. Donc une vitrine sur une rue non seulement pas très passante pour les piétons, mais en même temps qui est en travaux en ce moment, c'est quand même assez insolite. Je me suis dit que de prime abord que c'était un pari relativement risqué, mais vous en sortez tout à fait bien. Parce que c'est carrément un parti pris en fait. C'est que nous on voulait absolument pas être dans le centre-ville. Enfin, on aurait eu un local, on savait qu'on l'aurait pas. Nous, c'était vraiment un parti pris de se dire, c'est notre quartier de résidence, quoi. Donc, et je vous souhaite de durer plus que les nombreuses galeries qui ouvrent, qui ferment en centre-ville. Je voudrais juste rectifier, on n'est pas vraiment une galerie, en fait, parce que c'est un grand mot, galerie. En fait, on est plus il y a un atelier avec un espace d'exposition et un espace boutique. On n'est pas une galerie d'art non plus, quoi. Ouais, on est les trois en même temps. On est les trois en même temps, on est à la fois un peu librairie de micro-édition, un peu lieu d'exposition et avant tout, un atelier de création. Ouais. Voilà. Autant pour moi, c'est vrai que galerie, c'est un terme générique qui me facilitait un peu les choses. Mais c'est vrai qu'il y a différentes facettes au lieu, de la même manière qu'il y a différentes facettes à vos talents. Et on va voir ça tout à l'heure. Alors, je parlais des facettes de votre talent. Vous nous parlerez un petit peu des arts graphiques que vous pratiquez tous les deux, Ben et Damien notamment. Mais vous êtes aussi mélomane. Et c'est vous qui faites la playlist de l'heure du loup ce soir. Et on va continuer avec un groupe qui aura une petite actualité rapport au lieu, mais un groupe fort lointain, puisqu'il s'agit d'un groupe japonais, Boris, avec le titre Statement. We'll be right back. Ça s'entendait pas, mais c'était du punk japonais qu'on écoutait à l'instant avec Boris et ce titre Statement. D'ailleurs, un groupe japonais, bonne année à ceux qui fêtent le nouvel an chinois. Justement, aujourd'hui, mardi 5 février, le nouvel an chinois, ça se fête partout en Asie, me cassez pas les couilles. Et ça se fête même ici à l'occasion. Et on entre dans l'année du cochon, c'est pourquoi on vous ramène une playlist avec des titres bien gras, bien crust, bien crapuleux en quelque sorte. Un petit peu comme l'humour de cette émission. Boris Statement, un groupe d'origine japonaise qui a exploré différents styles, vous en parlerez d'ailleurs mieux que moi à l'instant. Et d'ailleurs, tiens, on ne prête qu'aux riches, et les Chinois, que n'ont-ils pas inventé? Ils ont notamment inventé la sérigraphie. Et bien justement, c'est un art dans lequel toi, Ben, tu aimes à t'illustrer justement. Quelle transition magnifique! Ben voilà! C'est vrai qu'ils ont... Ils ont été les créateurs de la sérigraphie. Rappelle-nous un petit peu le principe, parce que c'est pas forcément Qu'est-ce que facile. La sérigraphie? Ouais. Alors, la sérigraphie, c'est une technique d'impression artisanale. Enfin, moi, je l'utilise de manière artisanale, entièrement à la main. Donc, en fait, on est sa propre imprimante et on s'affranchit totalement de l'ordinateur. Donc, en gros, on utilise des cadre de sérigraphie, comment on fait pour faire un cadre de sérigraphie. Ça peut s'imprimer entre guillemets sur de la toile, sur de la soie, sur du papier. Alors on peut, la sérigraphie, on peut imprimer tout ce qui est liquide sur tout ce qui est plat. Tout simplement. Voilà, donc il y en a qui sérigraphient des crêpes avec du chocolat, il y en a qui sérigraphient... Non mais la chandeleur c'était ce week-end. Ah bah ouais, je sais, mais... Non, c'est ça, la sérigraphie, on imprime tout ce qui est liquide sur tout ce qui est plat. Donc on peut imprimer tout ce qu'on veut, en gros. Une table. Voilà. D'accord. Et pour personnaliser ça, comment toi tu as découvert ça? Comment tu y es venu en fait? Comment j'y suis venu? En fait, c'est Ernest, qui est un artiste qui habite maintenant à Dijon, mais qui habitait ici, qui m'a appris la sérigraphie. Mmh. Parce que lui avait un atelier, et je faisais mes sérigraphies chez lui. Et du coup, à un moment, il m'a dit « Est-ce que ça te dit, toi, d'apprendre? Parce que moi, j'ai plus le temps, etc. » Je dis « Ouais, carrément. » Donc j'ai appris, alors que moi j'ai fait les Beaux-Arts et que je suis jamais rentré dans l'atelier de sérigraphie pendant 3 ans à Marseille. Et du coup, voilà, j'ai appris, et puis après, à fond. Tu t'es perfectionné à Marseille, voilà. Aussi, quoi. Ouais, j'ai travaillé au Dernier Cri à Marseille pendant un an et demi. De Marseille, ça t'emmène assez loin, puisque j'ai appris que tu allais exposer à Lausanne pendant ce premier semestre 2019, c'est ça? Alors pas du tout. j'ai vu Lausanne sur ton alors Facebook. Non, Lausanne, je fais de la musique. Du coup, je fais une tournée fin avril et je passe par Lausanne. D'accord, autant mais pour ça moi. M'a amené jusqu'au Japon, la sérigraphie, ça m'a amené jusqu'à Taïwan, ça m'a amené jusqu'aux États-Unis. Ça bouge. Enfin, il y a des trucs où je suis pas allé, mais les livres et les sérigraphies bougent un peu partout, quoi. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et justement, j'avais bien fait de citer Ne vous déplaise le nouvel an chinois à l'instant. Et ton collègue, justement, ton dernier réplique à l'instant, Damien, qui lui est plutôt un artiste. Alors, si je peux me permettre cette comparaison, tu es plutôt un artiste d'intérieur, puisque la sérigraphie demande plutôt une table, quelque chose. Ah, mais je suis un vieux chat, moi, je suis sur un canapé, tranquille. Voilà, donc le vieux chat, et puis à ton côté, t'as le chien fou, ouais, voilà, qui va renifler les le murs dieu, un peu partout. Le vieux chien. Et pour les couvrir, mieux que ne le font les chiens d'ailleurs, de sa trace personnelle, et en l'occurrence c'est tout de même quand même un peu plus classe, puisqu'il s'agit de peinture. Oui, bah tu viens après, de street art en faire. Oui, bah moi j'ai pas de formation scolaire, donc je suis autodidacte, et j'ai commencé le graffiti à 16 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, et puis bah finalement ça m'a toujours un peu collé à la peau. Et après c'est pas vraiment du graffiti aujourd'hui, puisque je continue à peindre dans la rue, mais d'une manière légale. Et après, je développe un boulot d'atelier, donc je fais des toiles. Et c'est complémentaire. Enfin, du coup, c'est pour ça aussi que c'est complémentaire avec la sérigraphie. Et on se renvoie un peu la balle avec Ben. On est assez complémentaire là-dessus. Voilà, donc mon nom de scène, c'est God Dog. Voilà. Ah, bah justement, je pensais faire un jeu de mots tout pourri, hein, en faisant cette comparaison, cette introduction. Mais non, c'est pour ça que je... C'était bien vu en fait, c'est pour ça. Ah, ok, bah j'ai même pas fait exprès, bien joué. Et donc tu disais à l'instant que le street art te collait à la peau, c'est bien ça? Non, c'est pas qu'il me colle à la peau, c'est que... T'as fait comme Obélix, t'es tombé dans un pot de peinture quand t'étais petit. Moi puis, ça, voilà. Ça m'a fait vibrer adolescent, et au final ça a été un bon moyen pour continuer à approfondir la peinture, parce que ça disons que ça a été un moyen d'être d'avoir accès à la peinture simplement avec les potes où on se marrait à l'époque. Et aujourd'hui, comme je te dis, c'est devenu ma profession. Mais c'est pas que ça me colle à la peau, c'est que je saurais pas quoi faire d'autre en fait, réellement, tu vois. Ouais, je te taquinais bien entendu, ouais. Mais c'est vrai que d'un hobby, je trouve ça assez magique quand même, que d'un hobby adolescent on ait fait un métier, et que en plus du support mural qui est quand même le support de prédilection du street art, mm-hmm. tu en viennes à faire des toiles justement d'intérieur, et que vous vous retrouviez pour fonder cet endroit Turbo Format, qui n'est pas qu'une galerie comme je le disais tout à l'heure, qui est aussi un lieu lieu de rencontre, un lieu où tous les arts sont à l'honneur. On a parlé des arts graphiques à l'instant avec vous, et on va parler un petit peu de la musique, parce que Boris Statement, c'est un groupe qui s'est illustré, qu'on écoutait précédemment, c'est un groupe qui s'est illustré dans différents styles, la J-pop, tu me disais, Ben, ouais, ils ont tout fait. Le drone, et le drone dont il va être question bientôt à Turbo Format. Ouais, alors. Alors Hubert ou Ben, ouais, comme vous voulez. N'importe. Oui, effectivement, on a commencé à mettre en place des ateliers, des rencontres à Turbo Format depuis février, qu'on a appelé Mauvais Pressage. L'idée, c'est de faire des rencontres avec quelqu'un qui a envie de parler de musique, d'un courant particulier ou d'un groupe, qui va présenter ça aux participants qui sont là. Ça se passe les dimanches après-midi. On est un petit peu comme chez mamie, on mange des petits cookies, on boit du thé, mais on écoute du gros death metal ou du rock industriel. Chacun amène sa brioche. Ouais. Chacun amène à grignoter, et c'est super sympa. Et effectivement, il va y avoir un mauvais pressage sur tout. Alors, on a appelé ça la non-musique. Ouais. C'est toutes les musiques bizarres, bruitistes, puisque Ben, qui est à côté de moi, est fan de ces musiques-là. C'est un peu notre expert en harsh noise, drone, grindcore. Et puis, c'est ce que je fais en fait en live aussi. Donc. Et il y aura un petit live du coup le jour J. On pourra triturer des petites pédales pour essayer d'en faire aussi du noise. D'accord, donc tout à l'heure, Johnny Rotten hurlait No Future, et vous avez poussé le concept 40 ans plus tard dans ses retranchements avec de la No Music, si je résume bien. Tout à fait, c'est voilà. Ça. Du coup, on peut peut-être donner les agendas des mauvais pressages. Moi, je les ai sous les yeux, au moins. Bah, ce dimanche, donc le 10, il y aura donc Jean-Marc Quintana. Si Hubert, tu peux présenter un peu le... Jean-Marc, c'est un Avignonnais, enfin un gars du coin, qui a écrit un bouquin sur le punk avignonnais, un bouquin qui s'appelle Décélération Punk, et il a fait un énorme travail de recherche, aller voir dans les bibliothèques, aller rencontrer des gens, faire plein d'entretiens, où il a retracé l'historique d'une bande de punk du coin, d'Avignon, on voit les punks d'Orange, de Morière, etc. Et ça raconte cette histoire entre 1977 et 1982, donc vraiment les années du punk. Son bouquin est hyper intéressant, il est sorti chez Camion Blanc, et donc il c'était sera au début, c'était en 2004, quelque chose comme ça, non? Le bouquin est sorti, ouais, c'est ça, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Donc il sera là dimanche à Turbo Format à 15h pour nous raconter cette histoire qui est vraiment passionnante, c'est super bien écrit, et petit spoiler, ça finit avec un mort, Place de l'Horloge, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les Avignonnais au début. À l'époque, oui, on trouve encore sur internet des coupures de journaux de l'époque, justement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le morceau des Sex Pistols pour démarrer cette émission, puisque dans ce bouquin, tous ces punks avignonnais ont été marqués par ce groupe, comme beaucoup de personnes. On aura l'occasion de revenir justement sur ces sessions Mauvais Pressage, dont je voudrais parler un petit peu plus longuement en cours d'émission. Mais pour le moment, eh bien, puisque je vous disais que la galerie, enfin l'endroit Turbo Format, l'atelier Turbo Format est consacré notamment aux arts graphiques, eh bien, on va écouter un groupe qui en a appelé son morceau peut-être un petit peu en hommage à ces derniers arts graphiques, justement avec Na et le titre Paint Some Lines on It. shit. Determination, truly quit lit hit. Never cry, rather not. Never say ah, never say ah, never say. Just justice, give me roll, let's trust. Direct lust, let now we vet thrust. Combust the rust, rest. Wanna dig in the past. Never say ah, never say ah, very last. Grit breed, particularly if you like it real, really chilly, bloody. Every glimpse into the future, fast moving, spike tingling, rarely ever humor. Rather get gone, we all for gone. Termination, truly quit, lit, hit, never cry, rather die, never say ah, never say ah, never. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio. Vous êtes dans l'heure du loup et on écoute des musiques bizarres, comme à notre habitude. Et à l'instant, on vient d'écouter deux morceaux. Tout d'abord, Na avec le titre Pen Some Lines on It. Et enchaîné avec ce dernier morceau tout à fait singulier qu'on écoutait tout de suite, Filade, un groupe d'Avignon justement avec le titre Enquête de voisinage. Ouais, ce soir, j'ai des invités avec moi dans le studio. Et ce sont des gens qui peinturlurent de la toile, qui maltraitent des murs, qui martyrisent différents supports, alors du coup que je me suis dit que ça collait bien avec la musique Guêpe de Barbare, la façon dont moi je vous martyrise les oreilles, chers amis, tous les mardis soirs. Du coup, ils sont venus parler du lieu qu'ils ont créé, Avignon, dans le voisinage de l'Intramuros, puisque c'est boulevard Saint-Ruf que se trouve cet endroit, le Turbo Format, pour lequel je reçois Ben, Damien et Hubert. Alors Filade, c'est un groupe assez barré, un espèce de prog rock, mais on pourrait le définir tout autrement d'ailleurs, puisque différents noms de styles musicaux ont circulé autour de cette table pendant qu'on écoutait le morceau. Comment vous définiriez ça ? Filade ? Zouk Noise ? Zouk Noise, ça colle bien, non ? Ouais, du mad zouk rock. Voilà, Rage Against the Zouk Machine, c'est voilà. Ça, voilà, par exemple. Non, je vous dis pas les jeux de mots pitoyables qui ont ponctué l'écoute de ce morceau. Et bah, écoutez, Filade, donc Enquête de voisinage, un groupe que vous pourrez trouver sur Bandcamp. Évidemment, je vous mettrai des liens pour vous en faire une idée sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Et donc, on va continuer parce que, non content de faire de l'art graphique, ils ont aussi Méloman à leurs heures perdues et ils font la playlist ce soir. Et Filade, c'est un groupe que vous me faites découvrir pour le coup parce que je ne connaissais pas du tout. Un groupe d'Avignon, un duo qui sort un EP ce mois-ci d'ailleurs, sur un petit label. Et d'ailleurs, c'est assez insolite parce qu'ils sortent ça non seulement en téléchargement sur internet, mais aussi en cassette. Ouais, parce que c'est des hipsters, c'est pour ça. Et vous-même d'ailleurs, on peut écouter ces supports un petit peu datés, mais qu'on aime toujours, en tout cas qui correspondent à notre enfance. Si vous n'avez pas moins de 20 ans, vous avez peut-être vous aussi utilisé des manches disques ou écouté des cassettes. Forcément. Ou voir décéder, hein, pour. N'en décédez pas tout de suite, s'il vous plaît. Mais vous êtes peut-être manipulé des compact disques. Et donc, bah, ce soir, par contre, on reste au MP3 et on va continuer avec un groupe dont j'ai pu entendre parler lors de la dernière session de Mauvais Pressage, justement. Quand je vous ai découvert, c'était Sébastien de l'association Volume Brutal qui était venu présenter des disques et le thème, c'est vous qui l'aviez défini ce jour-là. Oui, tout à fait. C'était un Mauvais Pressage axé sur le death metal. Donc, Seb de l'association Volume Brutal est un passionné de ça, j'ai l'impression qu'il connaît tout, il a plein de petites anecdotes, donc il nous a parlé pendant, je sais pas, 3 heures. Il nous a fait écouter une vingtaine de morceaux de vieux death metal, donc c'était hyper passionnant, à la fois pour les gens qui connaissent déjà un petit peu ce style, et même pour ceux qui connaissent rien du tout. Voilà, c'était vraiment un chouette moment à Turbo Format, comme je le disais tout à l'heure, en buvant du thé, en mangeant des petits cookies, on écoutait du gros death metal qui crache, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que justement, il était venu avec ses disques, ses vinyles, et vous lui avez fourni la platine, je pense, pour qu'il puisse les diffuser. Tout à fait, ouais, c'est un peu le principe des Mauvais Pressages, c'est vraiment de venir parler d'un courant musical ou d'un groupe et de faire écouter des disques, parce qu'en parler, c'est bien gentil, mais si on n'écoute pas ce de quoi on parle, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc effectivement, il y a une platine qui est à dispo, et puis les gens qui viennent sur les Mauvais Pressages peuvent faire écouter plein de choses. On avait même regardé des clips sur le premier, sur le premier Mauvais Pressage, Alors, en fait, il n'y a pas trop de règles, quoi. Ouais, le premier, c'était en mois de décembre, c'était consacré à Einsteinsende Neubauten. Je suis content que tu l'aies prononcé pour moi. effectivement, c'est le premier Mauvais Pressage qu'on a fait, qui était sur donc, ce magnifique groupe allemand de musique industrielle qui date des fin 70, début 80 et qui existe toujours. Et l'idée, c'est de faire découvrir ce groupe aux quelques personnes qui étaient là. Donc, je ne le reprononcerai pas, mais effectivement, tout le monde dit Neubauten, de façon. Neubauten, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce côté si dur, en tout cas. Oui. On a fait écouter des disques, on a montré des vidéos de live, etc. Et puis, on a discuté de tout ça avec les gens qui découvraient pour la plupart ce groupe. Le prochain, donc on le disait tout à l'heure, prochain Mauvais Pressage, c'est ce dimanche avec Jean-Marc Quintana qui vient nous parler de ces fameux punks avignonnais qui se battent place de l'horloge dans les années 80. Et le suivant, donc c'est avec Ben qui est à côté de moi, qui sera sur la thématique de la non-musique, tout ce qui est le 3 mars, c'est drone, etc. Le 3 mars. Donc là, il y aura un petit live et on aura plus de clips cette fois-ci parce que c'est vraiment une musique qui se regarde en fait. Plus qu'il sait. Enfin, si on met juste le vinyle, on se dit ouais putain c'est juste du bruit, c'est juste horrible. Mais il faut voir la personne qui le fait parce que souvent c'est très excentrique. Et toi-même, dans tes projets musicaux, tu te rapproches de ce style-là ? Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord, donc ouais. Pour toi, c'est une démarche, en quelque sorte, enfin, on va peut-être pas dans les... jusqu'au concept d'art brut ou d'art total, mais c'est deux choses qui sont complémentaires, si je suis bien ta philosophie. On est là-dedans, ouais. On est, dans la musique que je fais, il y a... Enfin, c'est absence c'est côté de mélodie. Spontané. Ouais, spontané, absence de mélodie, etc. Ouais. C'est juste... du noise, du drone, c'est juste des pistes hyper planantes et avec des fréquences. Ce que je trouve intéressant, parce que je te connais, c'est vrai que toi tu vas pas dessiner avec une gomme à côté de toi. Ouais. Et finalement, c'est vrai que ça rejoint un peu aussi cette dynamique là, le fait d'y aller en mode spontané, brut quoi. Enfin, ouais, voilà. Moi je dessine direct au feutre, je me sers de l'accident pour rebondir ou autre. Si je me suis foiré sur un bonhomme ou quoi, Je vais essayer de le remanier pour qu'il ait une forme qui soit cool. Et pour la musique, c'est pareil. Et quand je joue en live, j'ai pas de... Je répète jamais, en fait. Ou alors, si je répète, c'est une session qui sera de A à Z complètement improvisée. Donc, j'arrive, je branche mes trucs, ça marche, j'y vais. Et puis, des fois, ça veut pas marcher en plein live. Et t'es là, tu fais oh, putain, fais chier. Ça tient plus de la performance, en fait, que ouais, de... c'est ça. Ouais, complètement, ouais. Oui, puis ça dure 20 minutes aussi, quoi. Ouais, c'est chiant au bout d'un moment. Même pour la personne qui joue. Il le reconnaît. Ah ouais. Non, mais ouais, faut le dire. Donc, une musique autant à voir qu'à entendre, et dont il sera question le dimanche 3 mars, du coup, à Turbo Format. Et Turbo Format qui accueille donc ces sessions de... Enfin, j'appelle ça session, je sais pas comment dire autrement. Mauvais Présage. Ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est que non seulement on a une personne, en l'occurrence quand moi je suis venu et que j'ai découvert l'endroit, c'était Sébastien de Volume Brutal, mais la première sur Neubotten, c'est toi qui l'avais assuré, il me semble, Hubert. Oui, c'est ça, ouais. C'est un des groupes, que j'aime beaucoup, un peu ce que disait Ben, moi j'ai découvert avec ce groupe qu'une musique, c'est pas forcément une mélodie, quelque chose de très construit, ça peut être un morceau de 5 minutes qui fait juste du bruit, mais il y a quelque chose derrière et ça a vraiment changé ma vision de la musique. Du coup, c'est un groupe que je garde dans mon cœur et je trouvais ça bien d'en parler sur la première session de Mauvais Présage. Mmh. Ouais. Parce que quand on a fait ça, on savait pas du tout si ça allait intéresser des gens aussi, quoi. Enfin, la première fois, on était quoi, 5-6, un truc comme ça, en nous comptant nous. Donc 3, quoi. Faut pas le dire, ça. Non, mais voilà, c'était vraiment une phase test, quoi. Et puis, il fallait un cobaye, quoi. Il fallait un cobaye. Bah non, mais c'est ballot, parce que moi, ça m'intéressait. Enfin, j'avais envie de dire un heureux hasard Facebook, mais il n'y a pas de hasard sur Facebook, il n'y a que des algorithmes. Donc, j'avais pas pu venir, et donc j'étais content quand même de découvrir et l'endroit et le principe de ces sessions pour cette deuxième édition, et je vous en souhaite beaucoup d'autres. Alors, comme je disais, il y avait une personne intéressante en face qui maîtrisait son sujet et qui nous faisait écouter ses morceaux au coup de cœur et qui les commentait d'ailleurs. Mmh. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est qu'aussi dans l'assemblée des gens qui sont venus et qui sont de fait intéressés par le sujet, peu ou prou, parce que moi, si je ne connaissais rien au death metal, c'était pas forcément le cas des autres personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et du coup, y avait toujours quelqu'un pour raconter une petite anecdote de concert, de faire une blague par rapport à un tel morceau, etc. Ça, c'est convivial en même temps. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut pas que ce soit un cours magistral de quelqu'un qui vient parler du death metal pendant 3 heures, qu'on veut vraiment que ce soit dans l'échange et dans le public. Tu disais il y avait des connaisseurs, mais il y avait aussi des gens qui connaissaient rien du tout et qui venaient pour découvrir, et c'est ça qu'on veut aussi, c'est que ce soit pas une rencontre entre connaisseurs qui vont citer tous les morceaux de tel groupe ou je sais pas quoi. On s'en fout, on veut vraiment que ce soit dans l'échange, la découverte, et qu'il y en ait pour tout le monde, en fait. Il y a même une maman qui est venue avec sa petite fille qui devait avoir 2 ans. Ouais. Mais le papa était fan de death metal, donc elle est bangée, la petite. Un jour, il y avait un journaliste qui avait interviewé les gamins qui croisaient sur le site du Hellfest, c'était en 2014 ou 2015, et il avait demandé à un petit bout de chou, alors c'est quoi tes groupes préférés? Le gamin, il dit, alors je sais plus quel groupe il avait cité, on va dire Ghost, parce que je suis monté sur scène pour danser avec le chanteur, et il a dit, ah c'est cool, et tiens, c'est quoi tes groupes préférés à part ça? Les groupes de papa. Quoi les groupes que tu aimes pas? Les groupes de maman. Voilà, donc même les petits bouts de chou, vous voyez, ont de la répartie et demandent finalement qu'à apprendre et à découvrir eux aussi, notamment sur des styles musicaux qui peuvent nous paraître aussi radicaux. Tiens, d'ailleurs, en parlant de styles radicaux, eh bien, on va écouter tout de suite un groupe qui illustrera un petit peu cette idée-là, Exhumed, avec le titre As Hammer to Anvil. Vous avez exhumé vos boules quies à l'instant en écoutant ce morceau As Hammer to Anvil du groupe Exhumed, justement, qu'on pouvait entendre lors de la dernière session de Mauvais Pressage, qui était consacrée au death metal, et pour lequel, Hubert, tu avais invité Ben de l'association Volume, Seb, de l'association Volume Brutal. Ben, c'est le gars avec Damien qui s'occupe de Turbo Format, et ce sont mes trois invités ce soir. Mauvais Pressage, d'ailleurs, la prochaine, ce week-end, le dimanche 10 février, entre 15h et 18h, vous recevrez Jean-Marc Quintana, qui a écrit, il y a donc une douzaine d'années, un bouquin notamment sur la scène punk d'Avignon au début des années 80 et toutes les anecdotes qu'il y a autour, que ce soit des anecdotes liées au groupe qu'il y avait alors, ou bien sur les faits divers qui ont tourné autour de la scène punk. Mais je me demandais une question toute simple, comment tu as rencontré cet homme-là? J'ai entendu parler de son travail, en fait. Alors, j'avais vu passer des articles sur son bouquin il y a quelques années, mais sans le connaître, et j'avais jamais lu son livre. Ça m'était un peu sorti de la tête, d'ailleurs. Et je l'ai rencontré un peu par hasard, puisque je travaille avec sa femme. Et en discutant, je me suis rendu compte que c'est lui qui avait écrit ce bouquin, donc il me l'a donné. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça, comme je disais tout à l'heure, assez passionnant. C'est vraiment, ça se lit presque comme un roman, même si on n'est pas passionné de punk ou si on ne connaît pas du tout ce courant-là, ça se lit vraiment comme une histoire. Il a fouillé des archives municipales dans les journaux, il est allé rencontrer énormément de monde qui était acteur de cette scène-là à l'époque. Donc c'est plein d'entretiens, c'est plein de petites anecdotes et c'est un pur c'est bonheur riche, à lire. Ouais, c'est vraiment riche, ouais. Plein d'anecdotes, plein de choses. Et d'autant plus quand on aime cette musique-là, il raconte des virées pour aller voir... La souris déglinguée en concert, ou enfin voilà, ces groupes de l'époque qui tournaient beaucoup, et c'est hyper cool à lire. Ouais. Bah, ce qui est intéressant, c'est que notamment il y a un travail de recherche, mais aussi c'est un témoignage de première main en quelque sorte, parce que lui-même était là à ce moment-là. Oui, complètement. Lui, il a connu cette période-là. À chaque fois que je le croise, il me raconte ses histoires de concerts, de vadrouille, à aller à pied, je sais pas où, à l'autre bout du Vaucluse pour aller voir les Star Shooters ou des vieux groupes comme ça de punk de l'époque. Donc, ouais, c'est un vrai témoignage d'une période qui n'existe plus. Et qu'on fantasme beaucoup, puisque les années 80, alors soit ce sont les gens qui l'ont connu, qui ont 50-60 ans aujourd'hui et qui seraient morts les années de leur jeunesse et qui fantasment un peu, enfin, comment dirais-je, qui les mystifient un peu en quelque sorte, hein, c'est humain en même temps, on fait tous ça, soit ceux qui les ont connus parce que c'était leur enfance, comme c'est mon cas, à partir d'une quarantaine d'années, ou bien ceux qui ne les ont pas connus, et ceux-là sont sans doute les pires, qui finalement les fantasment beaucoup et s'imaginent souvent des années 80 qui n'ont pas existé. Et du coup, ça peut être intéressant pour les trois catégories que je viens de citer, mais notamment pour ceux-là, les plus jeunes, d'aller de découvrir un petit peu les anecdotes de l'époque et voir que les années 80 s'étaient libérées, mais c'était quand même assez tendu, notamment pour la guerre froide dont je parlais dans l'émission il y a deux semaines à propos de la spéciale Russie, mais aussi pour plein d'autres raisons, parce que la société était différente. Complètement, et puis notamment par rapport à ce courant, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il explique que être punk à Avignon dans les années fin 70, début 80, bah c'est compliqué quoi. Sortir avec une crête, un perfecto et un badge des Sex Pistols ou des Clash, bah c'est prendre le risque de se faire casser la gueule dans la rue parce que les punks étaient mal vus, parce qu'ils provoquaient aussi, ils le cherchaient certainement un peu, mais en tout cas c'était beaucoup plus dangereux d'être punk ici à Avignon que d'être punk à Paris où il y avait une vraie scène, une bande, etc. Même à Paris, les premiers gars qui avaient des crêtes se faisaient arrêter par les flics et emmener au commissariat pour un contrôle d'identité quoi. C'était juste pour mettre la pression, mais au bout d'un moment les gars en avaient marre, puis il y en a qui passait une coupe de cheveux entre guillemets normale. Maintenant c'est les footballeurs qui ont des crêtes. Une crête aussi sur la courbe de leur salaire aussi, mais ça c'est un autre débat. Et donc il sera question de tout ça dans la session de Mauvais Pressage dimanche. Je vous invite à y aller, ce sera donc Turbo Format qui se trouve boulevard Saint-Ruf, alors 66. Ouais. Ah, voilà. Et si on est 600 sur place, voilà. ça sera un endroit assez 666 démoniaque. 666 avenue Saint-Ruf. Ne vous laissez pas décourager par les travaux du tramway avenue Saint-Ruf. Ne vous laissez pas décourager si vous habitez en ville par le fait que c'est extramuros. Et sortez un peu de votre intramuros aussi. Voilà, c'est à 10 minutes à pied. Franchement, ça m'a pas pris longtemps. C'est facile à trouver et l'endroit est sympathique. Un endroit qui a différentes facettes, disais-je tout à l'heure, puisque c'est à la fois un atelier, à la fois une galerie, en quelque sorte une résidence d'artistes. Il y avait un petit bout de chou qui mangeait des gâteaux et qui regardait la télé pendant qu'on parlait de death metal l'autre jour. Yep. Donc ça fait accessoirement garderie d'enfants. Ouais, c'était ma fille qui sortait de l'école. Dimanche. Qui sortait pas de l'école le dimanche, mais qui sa mère avait ramené. Et du coup, elle voulait regarder un dessin animé. Elle voulait surtout pas écouter le death metal parce que son père la soutenait. Voilà, c'est ça. C'est les musiques de papa. Comme tu disais tout à l'heure, c'est les musiques de papa et les musiques de maman. Les villes de... Les enfants sont parfois cruels, mais les enfants sont des petites fleurs qui éclosent et qui donnent parfois des orchidées cosmiques. C'est aussi le nom du projet. Je la voyais venir celle-ci, mais vous avez elle est belle. Non, mais ça c'est du professionnalisme, monsieur. Ça, on soigne ces transitions sur Osmose Radio. Et l'orchidée cosmique, c'est le nom du projet musical qu'on va écouter tout de suite avec Fuzz Rocket. Amore mio, comme disent tous les Italiens qui draguent les touristes sur la Piazza Grande à Venise. Mais à l'instant, c'était pas tout à fait le même délire. C'était un garçon qui était de Dijon et qui créait ce projet musical, Don Aman, avec le titre Amore, qu'on vient d'écouter à l'instant. C'est enchaîné juste avant avec un autre projet musical d'un garçon tout seul, mais qui fait beaucoup de musique. C'est l'Orchidée Cosmique, le nom du projet, avec le titre Fuzz Rocket. Et ça, c'est deux groupes qui vous tenaient à cœur, messieurs, puisque vous les faites venir et vous les faites jouer dans la galerie de chez Beauformat bientôt. Exactement, le 21 février. Voilà. Jeudi soir, 21 février, ce sera un concert, alors une session, un concert acoustique en fait. Ouais, c'est ça, parce que on n'est pas une salle de concert, il y a des gens qui vivent au-dessus. Donc ça va jouer, ça va commencer tôt et ça sera des sets du coup sans batterie. Ouais, plutôt acoustique, etc. Et juste pour préciser, quand tu dis que c'est nous qui les faisons venir, en fait, là, c'est encore comme le mauvais pressage, c'est que on laisse notre lieu à disposition. En fait, c'est Flo, qui est donc le guitariste dans Filad, qui gravite autour de Turboformat, etc. Voilà, c'est notre secrétaire dans l'assaut. Et c'est lui en fait qui a pris les devants pour en disant est-ce que ça vous dit qu'on organise. On lui a dit ouais, vas-y. Mais c'est pas un garçon qui joue dans Mudbass aussi? C'est ça. Ouais, d'accord, dans un autre groupe que j'avais passé il y a quelques émissions. Mudbass de cela qui n'existe plus d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais, autant pour moi. Malheureusement. Feu Mudbass. Feu Mudbass. Mm-hmm. Et donc, il mettait le feu justement, je les ai vus une fois en concert. C'est vrai. Et je pense, je t'en prie, continue. Non, mais du coup, voilà, c'est pour montrer que Turboformat en fait c'est un lieu. Qui est ouvert aux idées des autres. On n'est pas des dictateurs du bon, on n'est pas fermé, voilà. Ouais, voilà. Bah, c'est contraire. La porte est fermée par ces journées venteuses parce que il faut quand même qu'on n'ait pas trop froid à l'intérieur. Mais effectivement, le lieu est d'esprit ouvert en tout cas, puisqu'on s'y conjugue différentes facettes artistiques, les arts graphiques, on en a parlé tout à l'heure, et la musique, notamment à l'occasion de ce concert. Alors Avignon est une petite ville, hein, et du coup, c'est assez marrant de voir que en fait, un des membres de votre assos fait partie de l'association Sac à Coste, justement, qui promeut un petit peu ces musiques acoustiques ou ces musiques un petit peu en marge. Alternative et qui fait venir donc ces deux groupes qu'on vient d'écouter, l'Orchidée Cosmique et Don Aman. Donc un joli concert que je vous invite à aller voir le jeudi 21 février. L'entrée est à un prix modique, je crois, c'est 5 euros. Ouais, 5 c'est euros. Ça, 5 euros. Voilà. Et donc par contre, ça commence tôt, ça finit tôt. Et par contre, il y a d'autres événements dans ce lieu, Turboformat, que vous êtes venu présenter aujourd'hui sur Osmose Radio. Les mauvais pressages dont on parlait tout à l'heure, le prochain c'est dimanche 10 février, ce dimanche prochain. Et il y a aussi des ateliers et des artistes qui viennent. Alors pour les ateliers, je te laisse parler, Ben. Alors, Seb, pardon. Non, Ben. Seb, Ben Seb. Ouais, on peut trouver un camarade, je t'en prie, parle de ton projet. Du coup, en fait, moi, en fait, en tant que sérigraphe, j'interviens vachement dans les écoles, lycées, etc., pour apprendre la sérigraphie aux gamins. Mais il y a toujours des phases, en fait, de création qui entrent en jeu, en fait, dans la sérigraphie que je peux pas montrer. Parce qu'à un moment, il faut être dans le noir, il faut pouvoir faire des choses. Il y a de la chimie qui rentre en jeu dans la création d'un cadre de sérigraphie. Et du coup, là, vu que on a un atelier qui donne sur la rue et qui est assez vaste pour pouvoir accueillir du monde, j'ai décidé de faire. Ça se fait dans les autres ateliers, etc. De proposer un atelier de sérigraphie de A à Z, en fait, de création. Et les gamins qui découvrent ça avec toi au lycée peuvent venir si ça les intéresse. Ouais, donc là, là, ça serait un atelier qui est ouvert dès 7 ans, qui est limité au nombre de 5 places à peu près. Comme ça, moi, ça va me permettre de voir un peu comment on va pouvoir se mouvoir dans l'atelier et faire toutes les manips qu'il y a à faire. Donc 5, ça sera déjà pas mal. Donc c'est le 2 mars, donc il y a une participation qui est de 50 euros pour l'atelier, ça va durer de 14h jusqu'à 17h à peu près, ça comprend tout le matériel, et donc en fait le but c'est que les gens vont pouvoir dessiner, ou faire dessiner, faire un collage, quelque chose à partir de ce qu'on va trouver à l'atelier, et on va donc du coup le mettre sur un cadre de sérigraphie, Et on va imprimer après, alors c'est soit du papier, soit des tote bags, soit des t-shirts. Donc on va pouvoir faire 4-5 exemplaires de chaque. Ils repartent avec leur création. Donc voilà, je trouve. Il en restera une trace de toute façon. Et l'atelier se situe au 666 Faubourg Russe, boulevard Saint-Ruf. Ouais. Et c'est accessible dès 7 ans. Donc ça tombe bien. Voilà. Ça tombe bien. Et par contre, donc ce sera le samedi 2 mars. Il y a une prochaine session de Mauvais Pressage le dimanche 3 mars. On aura l'occasion d'y revenir. Exactement. Et enfin, le 1er mars, il y a peut-être un truc. Alors ce sera peut-être le 1er mars ou bien dans le courant du mois. Oui, courant mars. J'attends la confirmation de notre cher Niark. Je rembrouillais tout le monde ce soir. Voilà, ouais. Lui qui s'appelle Seb en plus. Ouais, lui pour le coup il s'appelle Seb. Et voilà, qui est un illustrateur français assez renommé quand même. Ouais. Il habitait sur Paris et aujourd'hui il habite sur Montpellier. Du coup on profite de ça pour l'inviter du coup dans nos locaux à venir exposer durant tout le mois de mars. Avec certainement, si tout se passe bien, le vernissage aura lieu le vendredi 1er mars. Voilà. Et donc Seb, donc Niark, va venir exposer, mais il viendra aussi peindre des murs, il viendra aussi, enfin Ben va lui tirer une sérigraphie, parce qu'en fait, à chaque expo, tous les mois, on essaye d'avoir une nouvelle expo. Et Ben donc tire une sérigraphie pour l'artiste. Il y a un deal qui se fait comme ça assez naturellement. Et on propose à l'artiste de soit venir bien sûr exposer ses œuvres, mais il peut aussi peindre un mur. S'il a envie de rester une semaine pour faire une installation un peu plus conséquente, il peut aussi. Donc voilà, on essaye d'être présent avec eux, de les accompagner. Et après, c'est des petits bouts de ficelle. Voilà, hein, ils dorment à la maison. On les loge comme on peut. Enfin, en tout cas, on essaye de les accueillir. Le matelas du chien, parfois. Voilà. Ou la niche, même, des fois, dans le jardin. Ça reste, sinon, une aventure de copains. Au moins, quelque chose d'assez. Qui correspond à ce bon vieux principe, pour revenir au punk, du do it, why, do it yourself, fais-le toi-même. Il y a beaucoup d'entraide qui correspond à cet état d'esprit-là, tout simplement. Après, je vais pas te mentir, hein, si on arrive à avoir un peu des subventions à C4, on va pas cracher dessus non plus. Hein, tu vois, voilà. Nous, à Osmose, on en cherche aussi, donc on va faire une pierre de coup. Petit appel, au cas où. On est vraiment dans ce truc-là de do it yourself, quoi, de faire soi-même. Qu'on soit dans la pratique qu'on a, la manière dont on sort les livres, etc. Mm-hmm. On les imprime du début jusqu'à la fin, on les plie. On les découpe. Parce que on peut aussi trouver parmi les œuvres qu'on peut soit entendre, soit voir à la galerie, on peut aussi trouver des objets, donc des livres tirés en toute petite édition. Exactement. Qui demandent beaucoup de travail. Mmh. Je ne sais plus quelle est la technique que vous avez citée à l'instant. Or, quand t'es micro-édition, voilà. Donc des objets qui sont des livres qui sont à la fois des œuvres d'art et pas simplement des tirages d'imprimerie. Voilà. Je tenais quand même à tirer votre attention sur un dernier aspect, c'est l'aspect boutique aussi de votre lieu, puisqu'on peut y trouver notamment les journaux, les livres, fanzines, de Maudit Tintin, dont Olivier s'occupe. Voilà. Voilà. On trouve de tout en fait dans la boutique. Quand on a ouvert avec Damien, on a remué tous nos contacts en disant on ouvre une boutique. Si ça vous dit d'avoir vos trucs, vos créations présentées, envoyez-nous. Mm-hmm. Donc du coup on a quand même une ligne éditoriale, mais on est sur les arts graphiques et général. Sur les gens qui ont la même pratique, quoi. C'est souvent très souvent des gens qui impriment eux-mêmes, qui font leurs livres eux-mêmes. C'est de l'illustration. Par exemple, on a très peu de photos, mais on n'est pas fermé à la photo. Mais on a mm-hmm. très peu de photos. Et après, on a quand même des gens qui gravitent autour de nous, des copains, etc. Donc des fois, il y a. On a du miel, par exemple, parce qu'on a une copine qui fait du miel. Mais elle fait du carrelage aussi. Elle fait du miel dans une manière. Elle fait elle-même, donc ça reste quand même do it yourself. C'est pas de l'art, mais c'est de l'artisanat. Et qui envoie d'extinction. Sans vouloir tomber trop là-dedans non plus. Enfin, l'idée, c'est pas d'être une boutique de créateurs non plus. Ouais, Il faut qu'on garde notre ligne à nous. Après, c'est vrai que dès le départ avec Ben, on voulait du 109 pour les Avignonnais. Donc dans les artistes, il y a clairement 70% de personnes qu'on n'avait jamais vues sur le terrain avignonnais. Deux trois noms, Palfroy, McLean. Ouais, voilà, il y a des gens de Berlin, il y a des gens de, il y a des gens de Rennes, il y a des gens de Paris, de Nantes, voilà. De Bordeaux, donc, etc. On va dire que Ben, il va plus ouvrir son réseau sur tout ce qui est micro édition, et il a invité donc ce type de personnes. Et pour ma part, moi, ça va être plus des artistes issus de l'art urbain. Et bah, il y a des Nantais comme les Sans Pression, Pedro, Casi, tout ça, quelques Marseillais, des Parisiens, des Bordelais, enfin voilà. On dit que la Canebière fait le tour de la Terre, et bien le boulevard Saint-Ruf, lui, nous emmène à Nantes, à Rennes, un petit peu partout, voilà, en France, exactement. Avec les différents contacts que vous faites. Mais c'est important de le signaler quand même. Ouais, bien sûr, et que c'est pas un lieu... Enfin, tout à l'heure, moi, j'avais hors antenne, j'avais parlé de certains artistes que j'ai pu voir chez vous, que j'avais découvert à l'Artishop, cette boutique éphémère qui se tient sur la place des Corsins au moment de Noël. Mais en fait, vous ne faites pas, vous n'exposez pas ou vous ne travaillez pas qu'avec des artistes avignonnais, donc vous faites bien de le rappeler. Et tiens, justement, un artiste qui lui aussi était français mais qui venait de beaucoup plus loin, on a écouté des gens de Dijon tout à l'heure, là on va finir avec un groupe de Nancy, un groupe qui malheureusement a fait l'actualité récemment et avec lequel tu tenais à conclure, Hubert. Oui, tout à fait, c'est Casse Product, un groupe du début des années 80 de Nancy, et malheureusement le clavier, alors je sais pas comment on prononce, Spatz ouais. Vient de décéder là il y a deux jours, donc on a voulu terminer l'émission avec leur tube, hein, je crois que c'est le morceau là qu'on a choisi, Never Come Back, c'est ça. Qui est vraiment un tube ultime, qui est un morceau qui est parfait, que j'ai eu l'occasion de voir deux fois en live. Ils sont venus dans la région il y a trois ans à l'Aquaba en 2013. Ils jouaient à l'Aquaba le 20 février 2013, c'était le soir de mon anniversaire. Exactement. J'étais ravi de les voir à ce moment-là. Moi, je les avais eu l'occasion de manger avec eux. On a dû se croiser ce soir-là, c'est fou. Il y a que d'anecdotes. C'est ça. Que d'anecdotes. Décidément. Eh bien, écoutez, chers amis, merci d'avoir été à l'écoute d'Osmose Radio. Merci pour chers ton invitation. Merci les gars pour être venus dans l'émission. Le mec, il a la langue qui fourche. Bah, ça va, elle fourche pas trop mal. Et du coup, écoutez, merci à vous d'avoir écouté, merci à vous d'être venu dans l'émission, chers amis. Merci à Loïc, le gentil régisseur d'Osmose Radio. Alors lui, ça fait longtemps qu'il se met plus des onguents sur la crinière, mais il a dû avoir une belle crête quand il était plus jeune, lui aussi. Il a la longueur de cheveux pour. Allez, bah, écoutez, on va se quitter avec ce titre, Never Come Back. Mais vous, je vous invite à retourner, sinon à découvrir cette boutique, cet endroit, le Turbo Format, qui est à la fois une boutique, une galerie, un atelier. Et qui est tenu notamment par Ben et Damien. Voilà, je n'ai pas écorché vos noms pour conclure. René Sanner. Tu commences à m'agacer, cher ami. Et Hubert, bien entendu, qui s'occupe des sessions Mauvais Pressage. On va finir avec Casse Product. Il s'appelle Francis, en fait. En hommage à Spatz, qui nous a quittés récemment avec ce titre emblématique de la Cold Wave française, Never Come Back.